Depuis plus de 40 ans, l'équipe de Hydromec déploie tous les efforts nécessaires afin de bien servir sa clientèle. En cette période de réjouissance, l'équipe de Hydromec ainsi que le personnel souhaitent joyeux Noël et bonne année à toute la population. Hydromec au 2921 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au 418-276-5831. Ici Éric Tremblay de Haltech. Aucune occasion n'est plus propice pour vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous avez témoignée envers l'équipe de Haltech pour vos systèmes de climatisation et d'échangeur d'air. Nous visons un objectif bien précis, la qualité. Nous vous assurons notre entier dévouement afin de vous offrir des produits et un service supérieur. Profitez des jours de fête et soyez prudents. De la part d'Éric Tremblay et toute l'équipe de Haltech. Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortin du 555 des 15 secteurs Mistassini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortin font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortin vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortin au numéro de téléphone 276-86-11. Assemblée générale de la traversée internationale du lac Saint-Jean, ça s'est déroulé jeudi soir à Roberval. Et on a une nouvelle présidente, puis je vais te dire une affaire, je ne l'ai pas vu venir pantoute. Kim Privé, qui habituellement s'occupait des médias, maintenant devient la présidente de la traversée internationale du lac Saint-Jean. Et question de savoir un peu qu'est-ce qui l'attire dans ce défilé. On lui parle. Salut Kim! Bonjour, bon matin! Kim, qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Parce que je savais que c'était ta dernière année l'an passé. Tu étais en train de former quelqu'un pour un petit peu nous contrôler. Si on pourrait appeler ça ainsi de suite. Mais là, j'ai appris ça. Je pensais que tu allais sortir, mais non, tu deviens présidente de la traversée internationale du lac Saint-Jean. Oui, ben après 11 ans au sein du comité des communications, ouais. J'avais le goût de relever un défi. En fait, je suis là depuis quelques années, puis à la même place, au même poste. On s'est côtoyé beaucoup sur la rotonde les dernières années. Et là, j'avais envie d'un défi plus grand, puis ça s'est offert à moi. Et puis, c'est avec une grande fierté là que je vais tenter de relever ce défi-là au cours des deux prochaines années. Mais tu vas quand même être bien contrôlé. Ben, pas contrôlé, mais tu vas être bien conseillé par Ginette Fortin. Il n'y a pas de problème là-dessus. Oh, absolument. Ginette va être là encore. Absolument. Absolument. Ginette reste sur le conseil d'administration comme présidente ex-officio. Ouais. Et sur le conseil d'administration, c'est des gens qui sont là, des gens de tête, des gens qui connaissent la traversée, des gens qui aiment la traversée. Alors, je suis entourée d'une équipe extraordinaire qui vont contribuer à amener l'organisation là, au succès. Ça fait-tu longtemps qu'on t'a approché comme présidente? Parce que l'été passé, je savais que c'était ta dernière année, mais est-ce qu'on t'a, oui. Ça fait un bout de temps qu'on t'a approché? Ben en fait, je suis sur le conseil d'administration depuis 2 ans à titre de vice-présidente. Okay. Et puis, j'avais décidé de me retirer du comité des communications l'été passé. Puis, ça fait son petit bonhomme de chemin dans la tête. Et après quelques discussions, j'ai décidé de me lancer là-dedans. OK. Quel sera ton principal objectif? Quel sera un petit peu? Tu dois avoir des idées, tu dois avoir certainement une façon de faire. Ça, c'est pas évident pour la traversée, étant donné que Manfred Magog, maintenant, c'est confirmé, il n'y aura plus de traversée là-bas. Est-ce qu'on travaille finalement avec les autres, le lac Mégantic, peut-être Saint-Thomas également? Ça va être quoi ton principal défi, tes objectifs pour en tant que président? Ben objectif principal, en fait, j'ai pas fixé rien de précis, mais c'est évidemment de mener l'organisation encore une fois au succès. On va aller dans la continuité de ce que Mme Fortin a fait ces 5 dernières années. On veut avoir le succès populaire, que la population participe à nos activités, que la santé financière de l'organisme se porte bien, que les bénévoles soient heureux, qu'ils continuent à venir nous donner du temps à chaque année. C'est sûr qu'on veut aller dans cette continuité-là. Pour des objectifs plus précis, ben là, au cours du printemps, on va s'asseoir et on va élaborer ça. OK. Si on parlait c'est maintenant... C'est ça qu'avec Magog, oui. Ben oui, si on parlait oui, de... Oui, c'est ça qu'avec Magog, qui est disparu, disons ça comme ça, c'est triste pour la natation en eau libre. Ouais. L'été passé, ça fait 2 étés qu'il n'y a pas de compétition à Magog et on ne ressent pas ça pour le moment. Le nombre de nageurs qui est inscrit n'a pas diminué. Qu'est-ce qui va arriver avec les prochaines années? C'est seul l'avenir va pouvoir nous le confirmer. OK. Le dossier des nageurs, là, c'est le FINA qui avait ça comme règlement maintenant, d'avoir une combine. On sait que Xavier Desharnais avait fait une sortie là-dessus. Est-ce que ça... Puis il n'était pas vraiment d'accord. Est-ce que tu as du nouveau là-dessus? Non. En fait, ça fait toujours partie du contrat. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Parce que nous, c'est notre dernière année qu'on est sous contrat avec la FINA. Okay. Il y a un comité décisionnel qui s'est formé là, cet automne. On attend le nouveau contrat de la FINA à partir de 2018 afin de prendre une décision éclairée, à savoir si l'organisation va rester avec la FINA ou si on va quitter. Alors, eux, avec le contrat, ils vont se pencher là-dessus. C'est des gens qui connaissent la traversée, qui connaissent beaucoup la natation. Alors, ils vont prendre une décision, vont peser le pour et le contre de chacune des parties. Puis ensuite, il y a une décision qui va se prendre à savoir si on reste ou on quitte la FINA. Pour la combinaison, ben là, c'est sur le contrat, c'était 2017. Maintenant, bon, est-ce que ça va changer? Seul l'avenir pourra nous le dire, mais là, on suit le contrat qui nous avait été donné là, il y a quelques années. Advenant que vous quittiez la FINA, est-ce que ce serait dramatique pour la traversée? Question de notoriété, c'est sûr qu'on n'est pas rendu là encore, mais ce serait-tu quelque chose où on serait très bien capable de s'en sortir sans la FINA? Il y a des compétitions dans le monde qui ne font pas partie de la FINA, okay. qui survivent, qui ont des inscriptions de nageurs et tout ça. C'est sûr que ça amène... Avec la FINA, ça nous amène à une autre catégorie de nageurs. Mais est-ce que si on débarque la FINA, on va avoir peut-être une autre sorte de nageurs? Il y a des nageurs qui veulent pas nécessairement être dans ce circuit-là puis faire quand même des compétitions. Okay. Alors, à savoir si ça pourrait nuire à l'organisation, là, c'est une bonne question. C'est comme je disais tantôt, c'est en le vivant qu'on pourrait le savoir, en fait. OK. Je veux te parler maintenant des bénévoles. J'imagine que est-ce que c'est année après année, est-ce que c'est difficile de trouver des nouveaux bénévoles? Ben moi, avec mon comité que j'avais, puis même avec ce que les gens disaient autour de la table au niveau du comité organisateur, c'est pas difficile parce que les gens veulent participer à la traversée. La population Robert-Varoise est tellement attachée à l'événement, que ce soit de donner une heure, une journée ou la semaine au complet. Tous les bénévoles sont importants. Puis s'il y a quelqu'un qui arrive, qui vient nous dire, moi, je peux donner juste une heure cette semaine, mais c'est une heure qu'on va combler par cette personne-là. Puis de ce que je vois, on n'a pas discuté du tout là, à trouver des bénévoles parce que les gens sont très attachés puis sont heureux de contribuer et fiers de contribuer au succès de la traversée. OK. Parle-moi maintenant du président d'honneur. On sait que tu faisais partie du CA, tu sais que l'an passé, c'était Régis Labeaume qui était président d'honneur. Moi, j'avais eu beaucoup de réserves là-dessus face à la visite de Régis Labeaume parce que, bon, écoute, un président d'honneur, c'est là pour aller chercher de l'argent, c'est là pour être un ambassadeur de l'événement. Je me posais la question, comment se fait-il qu'il peut pas être ambassadeur quand il est en chienne avec pratiquement tous les médias à Québec? Est-ce qu'on va se mettre à la recherche? Parce que là, ça s'est confirmé, 18 000 piastres de pertes. Est-ce qu'on va se mettre quand même à la recherche d'un peut-être un vrai président d'honneur l'an prochain? Concernant l'année passée avec M. Labeaume, nous, on avait choisi M. Labeaume parce que on voyait M. Labeaume comme un excellent ambassadeur de l'organisation. Ouais. C'est un Robert Valois d'origine. Il allait amener une visibilité à l'extérieur de la région de notre organisation. Alors, c'était un autre type de président d'honneur, mais ça a été tout autant satisfaisant pour la traversée. Okay. Oui, il y a un déficit d'opération de 18 000 $. Et c'est très peu comparé au manque à gagner de 110 000 $ qu'on avait au tout début, au mois de mai. Tous les comités, tous les gens qui participent à la traversée ont mis main à la pâte pour essayer de couper dans les dépenses sans que personne soit amputé de rien. Là. On s'est serré la ceinture, comme on dit. Et puis, on est très, très, très, très contents et très fiers de ce que de notre fin d'année, là, ce déficit-là est minime comparativement à ce qui était entrevu au printemps. Okay. Maintenant, pour cette année, pour la présidence d'honneur, il y a des démarches comme habituellement. On se met là-dessus pendant l'hiver et puis dès qu'il y a quelque chose qui va se confirmer, là, on va faire une annonce dans les médias. OK. Donc, Mais donc en grande partie, c'est un petit peu ça devrait être quoi au mois de mai? Au mois de mai, normalement, vous faites toujours pas au mois de mai, mais au mois de mars, généralement, vous faites toujours ça comme vous trouvez un président d'honneur puis vous l'annoncez. Pas mal tout le temps ça. Oui, ben depuis plusieurs années, ça tourne toujours autour de ces dates-là. Par contre, ça dépend toujours en fait du processus. Ouais. Combien de temps ça peut prendre avant de rejoindre ces personnes-là, combien de temps ça peut prendre avant de se confirmer. Alors, c'est sûr que d'ici aujourd'hui jusqu'à la traversée, là, on se met ça comme délai. Ça peut être en mars, ça peut être en avril, comme en juin. Là, dès qu'on va avoir la confirmation, c'est sûr qu'on va parler. OK. Si on parlait maintenant de l'an prochain, c'est plus une année, une année qui ne sera pas olympique. Donc, est-ce que ça va avoir un incident sur le recrutement des nageurs? Ça va être plus facile pour moi, hein? Ben, ça dépend des compétitions. En fait, il y a des nageurs, ceux qui vont pour le 10 km aux Olympiques, des fois, ils vont venir à la traversée pour venir faire une genre de dernière compétition avant les Jeux olympiques. Donc, ça nous amène parfois plusieurs nageurs supplémentaires. Si c'est pas une année olympique, ça peut nous amener aussi d'autres nageurs qui nécessairement pourraient être sur une autre compétition en même temps. Donc, le fait que ce soit une année qui n'est pas olympique, les résultats varient de toute façon d'une année à l'autre, là, que ce soit deux années non olympiques qui soient consécutives ou une année non olympique et une année olympique. Les inscriptions là, varient quand même. Là, fait que c'est difficile de rattacher vraiment là, un nombre d'inscriptions à une année particulière. OK. Ben Kim, as-tu été la meilleure des chances? On va avoir sûrement l'occasion de se reparler très, très, très souvent. Puis je suis bien content de voir que t'as pris le poste de président, donc je te connais très bien. Puis tu vas être dans la grosse gomme là, dans le cadre de la traversée. Oui. En tout cas, on va le faire avec plaisir puis avec beaucoup de motivation. Et je te remercie beaucoup. Puis on va se reparler très bientôt. Kim Privé, la nouvelle présidente de la traversée internationale du Lac Saint-Jean.